Chapitre 13e, le désespoir d'Olivia. La vie que Mary et sa belle-mère menèrent à Marchmont Towers après la mort du pauvre John fut une de ces existences tranquilles et monotones dont les souvenirs sont très peu nombreux en dehors de la lente succession des semaines et des mois et du changement des saisons. Mary supporta son malheur avec calme, comme le voulait sa nature pour toute chose. Le conseil du médecin fut mis en pratique et Olivia emmena sa belle-fille à Scarborough peu de temps après les funérailles. Mais ce changement de place n'amena que lentement un changement dans l'état de douleur sombre où était tombée la jeune fille. La brise de la mer ne fit pas revenir les couleurs sur ses joues pâles. Elle obéit sans murmurer aux ordres de sa belle-mère et se promena sur le bord de la mer par un vilain temps de novembre pour y gagner la santé et la force. Mais partout où elle allait, elle emportait son chagrin avec elle, et dans chaque sifflement du vent d'hiver, dans le clapotement continuel des vagues mugissantes, elle croyait entendre l'oraison funèbre de son père. Je crois que malgré la jeunesse de Mary Marchmont, cette triste période fut la plus grande crise de sa vie. Le passé, avec son affection unique et immense, avait à tout jamais disparu, et aucune figure amie n'était encore apparue dans l'avenir. Si quelques bonnes matrones, quelques douces créatures chrétiennes eût tendu les bras à l'orpheline désolée. Le cœur de Mary eût été soulagé, et elle se serait réfugiée dans le sein de cette amie dévouée pour s'y reposer éternellement. Mais personne ne lui tendit les bras. Olivia Marchmont s'en tint à la lettre de l'appel solennel de son mari, comme elle s'était tenue à la lettre des maximes de l'Évangile qu'elle connaissait depuis son enfance, sans en avoir jamais compris l'esprit. Elle accepta la charge qu'on lui avait confiée. Elle ne faillit pas à l'accomplissement de son devoir, mais jamais une sainte lueur d'amour et de tendresse maternelle n'éclaira les cavités ténébreuses de son cœur. Elle ignorait cette pitié quasi divine qui est inhérente à la femme. Chaque soir, elle se demandait à genoux si elle n'avait négligé aucun des devoirs qu'elle s'était imposés. Chaque soir, elle prenait note de ses oublis avec autant de scrupules et d'impartialité que le juge le plus sévère qui ait jamais condamné un criminel. Et elle reconnaissait ses faiblesses. Malheureusement, ce dévouement d'Olivia pesait autant à Mary qu'à la veuve elle-même. Plus Mrs. Marchmont s'acquittait consciencieusement de la tâche que lui imposait le testament de son mari, plus la vie de l'orpheline devenait pénible. Le treadmill fatigant de l'éducation tournait quand même, bien que la jeune élève fût sur le point de s'évanouir à chaque échelon de cette échelle infuse de la science. Si Olivia, en s'interrogeant le soir, trouvait que la journée avait été trop facile pour la maîtresse et l'élève en même temps. Le lendemain, elle doublait la dose d'histoire romaine et de grammaire française pour réparer le temps perdu la veille. « Cette jeune fille m'a été confiée, et mon premier devoir, c'est de lui donner une bonne éducation », se disait Mrs. Marchmont. « Elle a des dispositions à la paresse, mais je combattrai ces dispositions malgré l'ennui qui en résultera pour moi. Plus j'aurai de peine, et plus mon mérite sera grand, si je réussis. » Ce n'était qu'ainsi qu'Olivia entrevoyait la possibilité d'être une bonne femme. Ce n'était qu'en se conformant strictement à la règle du devoir, à la pratique d'un rite ennuyeux, qu'elle pouvait espérer de gagner cette couronne éternelle que des chrétiens plus simples semblent conquérir si facilement. Matin et soir, la veuve et sa belle-fille lisaient la Bible ensemble. Matin et soir, elles s'agenouillaient côte à côte pour adresser les mêmes prières familières, et cependant, ses lectures et ses prières ne les rapprochaient pas l'une de l'autre. Aucune tendre phrase d'inspiration, aucune des saintes paroles du Christ lui-même ne faisait vibrer la même corde dans ces deux cœurs de femme et ne les joignait soudainement. Elle se rendait à l'église trois fois chaque dimanche. Elle subissait la terrible uniformité qui faisait du lendemain la répétition de la veille et s'asseyait dans le même banc. Il arrivait parfois qu'un mot solennel, une injonction sublime, se montrait sous un jour nouveau à l'orpheline. Mais si elle regardait la figure de sa belle-mère, croyant y trouver un rayon de cette lumière soudaine qui s'était faite en elle, le vide de la physionomie d'Olivia lui apparaissait comme un mur épais que ne traversaient pas les rayons radieux. Elles revinrent à Marchmont Towers au commencement du printemps. On s'imaginait que la jeune veuve cultiverait la société des amis de son mari, que les visiteurs du matin seraient les bienvenus aux Towers et que les dîners recommenceraient après l'année de veuvage. Mais il n'en fut pas ainsi. Olivia ferma sa porte à presque toute société et se consacra entièrement à l'éducation de sa belle-fille. Les commères de Swampington et de Camberling et la bourgeoisie campagnarde, qui avaient parlé de sa piété et de sa patience, de son zèle infatigable pour les pauvres de la paroisse de son père, parlèrent maintenant de son abnégation, des sacrifices qu'elle faisait pour sa belle-fille et de la noble manière dont elle justifiait la confiance que John Marchmont avait eue en sa bonté. D'autres femmes, disait-on, auraient confié l'éducation de l'héritière à une institutrice. D'autres femmes se seraient mises en quête d'un second mari. D'autres femmes se seraient lassées d'une existence monotone dans la solitaire maison de Lincolnshire et de l'ennuyeuse société d'une jeune fille de 16 ans. L'éloge de Mrs. Marchmont était entonnée sans cesse. Elle était le modèle des belles-mères à venir. Se sacrifiait-elle beaucoup, cette femme, que dévorait un feu intérieur, qui avait l'ambition d'une Sémiramis, le courage d'une Boadicée et la résolution d'une Lady Macbeth? Se sacrifiait-elle beaucoup en renonçant aux distractions de la province dont elle aurait pu embellir sa vie, telles que des dîners, quelques bals et un peu de coquetterie avec quelques robustes propriétaires ou quelques squires amateurs de chasse? Non, ses amusements l'eussent fatiguée trop vite, et beaucoup plus que la monotonie de son existence vide et la perpétuelle impatience de son esprit. J'ai dit qu'en consentant à devenir la femme de John Marchmont, elle avait pour cela les mêmes motifs qu'un prisonnier pour changer volontiers de prison. Mais le charme de la nouveauté n'avait pas tardé à disparaître, et Olivia Marchmont était maintenant, dans la lugubre maison de Marchmont Towers, ce qu'Olivia Randall avait été au presbytère de Swampington, une femme malheureuse, lasse d'elle-même et du monde, et consumée lentement par un feu perpétuel. Cette femme fut pendant de longues années la seule compagne et la seule institutrice de Mary Marchmont. Je dis seule compagne avec intention, car l'orpheline ne fut pas autorisée à se lier avec les jeunes filles des quelques familles du comté, qui venaient encore de temps en temps aux Towers, de peur, disait Olivia, que cette société ne la rendît légère et frivole. Hélas, il n'y avait pas à craindre que Mary devint être folle. En grandissant, sa maigreur augmentait ainsi que sa pâleur, et sa tête se courbait sous le poids de la science qu'on lui donnait à porter comme une fleur maladive, pour qui les gouttes de rosée, vivifiantes pour d'autres fleurs, sont un trop lourd fardeau. Dieu sait dans quelles intentions Mrs. Marchmont instruisait sa belle-fille. La pauvre Mary aurait pu citer la date précise de n'importe quel événement dans l'histoire universelle ancienne et moderne. Elle aurait pu dire au juste la latitude et la longitude de l'île la moins connue dans l'océan le moins navigable, et expliquer en détail les mœurs et les coutumes de ses habitants si on les lui avait demandées. Elle était terriblement ferrée sur les terrains tertiaires, et elle aurait fait presque aussi bien que M. Charles Kingsley lui-même, mais probablement d'une manière moins agréable, l'histoire d'une sablonnière. Elle savait retrouver une à une toutes les étoiles du firmament au-dessus du Lincolnshire et connaissait l'histoire de la découverte de chacune d'elles. Elle savait les noms les plus difficiles que la science ait donnés aux fleurs familières qu'elle rencontrait dans ses promenades, et cependant, sa conversation n'en était pas plus brillante, ni son esprit plus gai par suite de cette illumination générale de son intelligence. Mais Mrs. Marchmont croyait sérieusement que ce pénible système d'éducation était un des devoirs qu'elle avait à remplir envers sa belle-fille. Et lorsqu'à 17 ans, Mary sortit de l'épreuve chargée de dépouilles intellectuelles du genre de celles dont j'ai parlé ci-dessus, la veuve fut satisfaite en contemplant son œuvre et se dit « En ceci, du moins, j'ai fait mon devoir. » Parmi la masse de choses apprises sous laquelle sa santé avait presque succombé, il se trouvait quelque chose qui avait été pour la jeune fille une source de plaisir. Elle était devenue une brillante musicienne. Ce n'est pas qu'elle eût en elle le génie musical, non. Rien d'aussi vivace que le feu du génie n'avait brûlé dans ces douces créatures, mais toute la tendresse de sa nature, toute la poésie de son esprit extraordinairement poétique se concentra dans cette occupation et elle trouva dans la musique une nouvelle langue, elle qui pour tout le reste était condamnée à un silence perpétuel. On lui avait défendu de lire Byron et Scott, mais on ne lui défendit pas de s'asseoir à son piano quand la tâche de la journée était finie. À la faible lueur du crépuscule, dans sa paisible chambrette, elle jouait les mélodies rêveuses de Beethoven et de Mozart. et interpréter à sa manière les romans sans parole de Mendelssohn. Je crois que son âme se fut repliée sur elle-même et racornie sans cette ressource, sans ce refuge, qui permettait à son esprit de regagner son élasticité et de se redresser comme la fleur qu'on foule aux pieds. Olivia était charmée de voir l'orpheline passer des heures entières à son piano. Elle avait appris, elle aussi, à jouer très bien et brillamment. Elle avait vaincu toutes les difficultés avec cette vigueur de résolution qui faisait partie de sa forte nature. Mais elle n'avait aucune prédilection particulière pour la musique. Tout ce qui compose la poésie et la beauté de la vie avait été refusé à cette femme, de même que la tendresse qui est le charme principal des femmes. Elle s'asseyait à côté de Marie et l'écoutait pendant que ses doigts agiles couraient sur le clavier et que la jeune fille se laissait entraîner dans des régions fantastiques. Mais elle ne voyait autre chose que la musique, qu'un certain nombre de cordes, de tons et de demi-tons auxquels il fallait recourir à tel ou tel moment de l'exécution. Il n'eût pas été naturel que Marie Marchmont, toute réservée qu'elle se fût montrée après la mort de son père, ne soupira pas après une compagnie plus agréable que celle de sa belle-mère. La jeune fille qui avait été installée dans sa chambre comme garde-malade, d'après l'avis du docteur, était une amie et une confidente que la jeune maîtresse de Marchmont Towers aurait désiré avoir auprès d'elle. Mais Olivia interposa son autorité et défendit toute intimité. Esther Pollard était la fille d'un simple fermier, et sa société n'était pas convenable pour la belle-fille de Mrs. Marchmont. Olivia pensa que ce penchant pour la société de bas étage était le fruit de l'éducation première de Marie, et que c'était une souillure qu'avait laissée la pauvreté amère et dégradante dans laquelle John Marchmont et sa fille avaient vécu à l'époque où ils habitaient un misérable logement à Lambeth. « Mais Esther Pollard m'aime bien, maman, » disait l'orpheline, « et je suis si heureuse à la ferme. Ils sont tous si bons pour moi quand j'y vais, le père d'Esther, sa mère, ses petits frères et ses petites sœurs, tout le monde et la basse-cour, les cochons, les chevaux et la mare où caquettent les oies, me rappellent la maison de ma tante dans le Berkshire. J'y fus une fois passé un jour ou deux avec mon pauvre papa, et ce fut un si grand changement après Oakley Street. » Mais Mrs. Marchmont fut inflexible sur ce point. Elle ne permit à sa belle-fille que d'aller de temps en temps chez le fermier Pollard et d'y être régalée de gâteaux et de vin clairet dans le petit salon à plafond bas à la mode antique où toutes les chaises en acajou poli étaient si luisantes et si glissantes que c'était un miracle qu'on pût rester assis dessus. Olivia permit des visites solennelles de ce genre de temps en temps et elle autorisa Marie à renouveler le bail du fermier à des conditions suffisamment avantageuses et à faire des cadeaux peu fréquents à Esther, sa favorite. Mais toutes les visites à la ferme qu'elle faisait en cachette, toutes les promenades avec la fille du fermier dans le verger sur le derrière de la ferme, furent strictement interdites, et bien que Esther et Marie fussent toujours amies, elles durent se contenter d'une rencontre fortuite à plusieurs mois d'intervalle et d'une pression de main seulement. « Ne croyez pas que je sois fier de ma fortune, Esther, » disait Marie à son amie, « ou que je vous oublie. Maintenant que nous nous voyons rarement. Papa me laissait aller à la ferme toutes les fois que cela me plaisait. Mais papa avait été pauvre longtemps. Maman me retient presque toujours à la maison pour mes études, mais elle est très bonne pour moi et je ne puis faire autrement que de lui obéir. Papa me l'a recommandé. » L'orpheline n'oubliait pas un seul moment les paroles du testament de son père. Il avait désiré qu'elle obéît. Que devait-elle donc faire, sinon être obéissante? Sa soumission au plus petit désir d'Olivia n'était qu'un hommage rendu à la chère mémoire de son père. Ce fut ainsi qu'elle devint femme de bonheur. Enfant encore par sa douce soumission et sa docilité, elle était femme par son caractère grave et réfléchi qui s'était révélé dès son enfance. Ce fut en menant cette existence bornée, monotone, sans gaieté, qu'elle atteignit son 17e anniversaire, qui fut à peine remarqué, et Marie Marchmont devint femme, femme ayant devant elle toute la tragédie de la vie et pas plus d'expérience qu'une enfant du monde par-delà Marchmont Towers. La marche du temps avait été si peu dérangée pour ces deux femmes, la triste routine de leur vie avait subi si peu de changements, qu'elles se figuraient probablement qu'elles continueraient à vivre ainsi éternellement. Mary, du moins, n'avait jamais jeté un seul regard au-delà du sombre horizon du présent. Son habitude de bâtir des châteaux en Espagne avait cessé à la mort de son père. Quel besoin avait-elle de bâtir des châteaux maintenant qu'il ne pouvait plus les habiter? Edward Arundel, le brillant jeune homme qu'elle se rappelait avoir vu dans Oakley Street, l'élégant officier qui était venu à Marchmont Towers, était rentré dans le chaos du passé. L'existence de Mary avait eu pour clé de voûte son père. Il était mort, et de toutes les visions familières dans lesquelles elle s'était complue, il ne restait qu'un monceau de ruines. Le monde avait fini à la mort de John Marchmont, et la vie de sa fille depuis ce grand malheur n'avait été à tout prendre qu'une souffrance passive de l'existence. On n'avait pas eu souvent des nouvelles du jeune soldat à Marchmont Towers. De temps en temps, une lettre de quelques membres de la famille d'Angerfield était parvenue au recteur de Swampington. La guerre continuait avec fureur dans l'Orient. Il s'y livrait de sanglantes batailles, et de vaillants Anglais conquéraient des lauriers ou périssaient sous le cimetière des Sikhs et des Afghans. Le plus jeune fils du Squire Arundel ne se contentait pas de faire son devoir, disaient les lettres. Il avait gagné les épaulettes de capitaine, et il était cité avec éloge par de grands hommes de guerre, dont les noms seuls faisaient l'effet du clairon aux oreilles anglaises. Olivia sut tout cela. Elle s'asseyait à côté de son père, regardant parfois la lettre chiffonnée par-dessus son épaule pendant qu'il lisait tout haut les exploits de son cousin. Le nom familier semblait écrit en lettres de feu, quand les yeux ardents de la veuve se fixaient sur lui. Comme les épîtres étaient banales, que de frivolité Laetitia mettait aux nouvelles de son frère. « Vous apprendrez avec plaisir que mon poney gris ne boite plus. Papa a donné un déjeuner de chasse mardi passé. Lord Montlishcombe s'y trouvait, mais les chasseurs sont vexés de la gelée, et je crains que nous n'ayons pas de crocus. Edward est nommé capitaine. Papa m'a chargé de vous l'annoncer. Sir Charles Napier et le major Outram ont fort brillamment parlé de lui, mais lui, Edward, a reçu un coup de sabre au bras gauche et une autre blessure au front qui l'ont mis au lit pour un mois. Vous vous souvenez probablement du colonel Tulsley à Halberton Lodge. Il est mort en novembre dernier et a laissé toute sa fortune à... » Et la jeune fille continuait à raconter des commérages qu'elle jugeait intéressants pour son oncle, et il n'était plus question du jeune soldat dont le sang avait coulé presque jusqu'à la dernière goutte pour la gloire de son pays. Olivia songeait à lui en revenant à Marchmont Towers. Elle songeait au coup de sabre qu'il avait reçu au bras et se le représentait pâle, ensanglanté, couché sous une tente, privé de tout, seul et abandonné. « Cela vaudrait mieux pour moi qu'il mourût, » se disait-elle. « Cela vaudrait mieux pour moi que la nouvelle de sa mort me parvint demain. » À cette idée, le tableau d'un malheur pareil s'offrit à elle tellement clair et distinct qu'elle éprouva un moment d'angoisse. « Ceci n'est pas une hallucination, » s'écria-t-elle, « c'est un pressentiment, c'est de la seconde vue, ce malheur arrivera. » Elle se figura qu'elle retournait voir son père comme elle l'avait fait dans cette matinée. Tout serait dans le même état et à la même place. Le mur grisâtre du jardin du presbytère, le rondement continu de la mer, le cabinet familier avec ses livres et ses papiers en désordre, l'odeur de fumée de vieux cigares, les rideaux perses se balançant à la fenêtre ouverte, les feuilles sèches tourbillonnant dans le jardin, rien ne serait changé. Seulement, la figure de son père serait un peu plus grave que d'habitude. Et puis, après un moment d'hésitation, après un court préambule sur l'incertitude de la vie, la nécessité de songer sans cesse à un monde futur, les horreurs de la guerre, les mots terribles lui viendraient aux lèvres, elle devinerait sur sa figure l'horrible vérité, et elle se prosternerait à deux genoux avant qu'il eût dit « Edward Arundel est mort ». Oui, elle ressentit cette angoisse. Cela se passerait ainsi. Un sombre désespoir la paralyserait tout à coup. Elle mesura son aptitude à la souffrance par cette torture imaginaire. Pas complètement imaginaire cependant, elle semblait si réelle, et elle s'adressa à cette étrange question. Suis-je assez forte pour supporter cela? Ou bien sera-ce moins terrible de continuer à souffrir éternellement et de supporter éternellement l'humiliation, la honte, la dégradation de mon amour pour un homme qui ne songe pas à moi? Tant que John Marchmont aurait vécu, cette femme eût profité de la terrible victoire qu'elle avait remportée la veille de son mariage. Elle se fût tenue parole à elle-même et n'eût pas manqué à ses serments. Mais la mort de son mari, en lui rendant la liberté, l'avait livrée de nouveau à la folie de sa jeunesse. Ce n'était plus un crime de penser à Edward Arundel. Une fois qu'elle eut permis à cette idée de s'enraciner dans son esprit, son idole la domina, il y songea jour et nuit. Oui, elle songea à Edward à chaque instant et sans cesse. La vie étroite à laquelle elle s'était condamnée, le sacrifice d'elle-même qu'elle avait appelé devoir, fut d'elle une proie pour cette unique pensée. Le travail qu'elle s'imposait ne lui suffisait pas. Sa puissante intelligence se réveillait faute d'une occupation digne d'elle. Elle ressemblait à un vaste rouleau de parchemin où l'on aurait pu inscrire la moitié des sages préceptes connus, mais où ne se trouvait écrit qu'un seul nom répété à l'infini, le nom d'Edward Arundel. Si Olivia Marchmont avait pu aller en Amérique et faire partie du corps des professeurs femmes de loi et de médecine, si elle avait pu monter un journal dans Bloomsbury ou même écrire un roman, je crois qu'elle eût été sauvée. Le trop-plein d'énergie de son esprit eût trouvé à s'écouler. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle caressa sans cesse le même rêve, et par la force d'une répétition perpétuelle, ce rêve se changea en folie. Mais cette vie monotone ne devait pas durer éternellement. Ce ciel gris, sombre et à teintes plombées, devait être illuminé par des rayons de soleil momentanés et balayé par des coups de tonnerre dont la violence allait ébranler l'univers de ces deux femmes solitaires. Il y avait près de 3 ans que John Marchmont était mort. L'humble ami de Mary, la fille du fermier, avait épousé un jeune artisan du village de Camberling, à 1,5 mille des Towers. Mary était une femme maintenant, et elle en avait fini avec les empereurs romains et les études ennuyeuses des années précédentes. Elle n'avait plus autre chose à faire que d'accompagner sa belle-mère, Saïla, parmi les pauvres cottages des environs de Camberling et de 2 ou 3 autres petites paroisses non loin des Towers pour y faire du bien à la mode d'Olivia avec la règle et le compas. À la maison, la jeune fille faisait ce que bon lui semblait. Elle restait à son piano des heures entières ou bien elle travaillait à une gigantesque tapisserie. Elle avait même le droit maintenant de lire des romans à condition qu'ils auraient été choisis par Olivia, qui était une des dames patronesses d'une bibliothèque populaire à Swampington. Les deux femmes se rendaient ensemble 3 fois par dimanche à l'église de Camberling. C'était un peu monotone que de revoir toujours la même église, le même recteur, le même curé, le même clerc, la même congrégation, et d'entendre sans cesse le même vieil orgue, les mêmes voix nasillardes des enfants trouvés du Lincolnshire, et très souvent les mêmes sermons. Mais Mary s'était habituée à la monotonie. Elle avait renoncé à toute espérance, à toute joie depuis la mort de son père. Elle était contente d'être seule et de mener une existence sans but et sans projet. Elle était par une certaine après-dînée assise en face de sa belle-mère dans le banc des Marchmont à Camberling. Ce banc, recouvert d'une serge rouge fanée, était un peu plus élevé que ceux des vulgaires fidèles qui l'entouraient. Les mains jointes sur ses genoux, elle regardait d'un air pensif la figure froide comme le marbre de sa belle-mère, et elle écoutait la voix traînante du recteur qui prêchait au-dessus de sa tête. C'était par une belle après-dînée de juin, et l'église resplendissait d'une chaude lumière dorée. L'une des fenêtres à vitraux gothiques était ouverte, et le tintement des clochettes d'un troupeau dans le lointain et le bourdonnement des abeilles dans le cimetière troublaient agréablement le calme de l'intérieur. La jeune maîtresse de Marchmont Towers sentit que l'influence assoupissante de cette chaude journée d'été la gagnait lentement. Ses paupières alourdies retombaient sur ses beaux yeux bruns qui avaient si longtemps contemplé tristement un monde où semblait exister si peu de joie. Le sermon du recteur était d'une longueur inusitée, et quelques faibles ronflements se faisaient entendre dans un des bancs qui s'abritait sous les galeries. Mary eut beaucoup de peine à ne pas dormir. Mrs. Marchmont l'avait déjà regardée d'un air sévère 1 fois ou 2, car c'était une indignité aux yeux de la rigide Olivia que de sommeiller dans l'église. Mais l'assoupissement n'était pas facile à vaincre, et l'orpheline s'endormait paisiblement, en dépit du regard courroucé de sa belle-mère, lorsque le bruit d'un pas ferme sur l'allée sablée du cimetière attira son attention. Dieu seul sait pourquoi le bruit de ce pas l'arracha au sommeil. Peut-être n'était-ce pas ainsi que marchait la congrégation de Camberling, le pied fermé, élastique qui s'appuyait lentement mais solidement sur la terre, ne pouvait appartenir aux commerçants et aux fermiers à des marches lourdes qui constituaient la majeure partie des fidèles de cette église de Lincolnshire. En outre, c'eût été un péché monstrueux dans ce village écarté que de déranger la congrégation en arrivant à pareille heure à l'office. Il était donc évident que la personne qui arrivait était étrangère. Mais cela importait peu. Miss Marchmont releva à peine les paupières pour voir qui c'était, mais le nouveau venu livra passage à un tel flot de lumière en ouvrant la lourde porte en chêne qui se trouvait sous le porche que Mary en fut éblouie et qu'elle ouvrit les yeux involontairement. L'étranger referma la porte sur lui très doucement et demeura dans l'ombre du porche. Il ne se souciait pas d'entrer plus avant ou de déranger la congrégation par sa présence. Tout d'abord, Mary ne le vit pas très bien. Elle n'aperçut qu'indistinctement son profil et les boucles abondantes de sa chevelure brune à reflets dorés. Mais petit à petit, la figure se dessina dans l'ombre et elle vit tout, les traits aristocratiques, les yeux bleus lumineux, la moustache blonde, tout cet ensemble qu'elle avait 8 ans auparavant dans Oakley Street, choisi comme le type de la beauté mâle, comme l'idéal de la grâce héroïque. Oui, c'était Edward Arundel. Ses yeux rayonnèrent d'un éclat inaccoutumé en le regardant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et sa respiration devint oppressée. Toutes les années monotones, les terribles angoisses de la douleur disparurent dans le passé et le présent seul subsista dans toute sa gloire. L'unique ami de son enfance était de retour. Le lien presque oublié qu'il rattachait au rêve féerique de cette époque bienheureuse, reprenait toute sa force avec l'apparition du jeune soldat. Cet heureux temps d'il y avait 5 ans à peu près, cet heureux temps où le jeu de pommes avait été construit et le chalet sur le bord de la rivière restauré, ces beaux jours d'automne avant le mariage de son père, lui revinrent en mémoire. Le monde n'était pas en somme sans joie et sans plaisir, et puis le souvenir de son père s'offrit à son esprit et ses yeux se remplirent de larmes. Comme Edward serait triste en retrouvant vide la place de son vieil ami dans le salon occidental, comme il serait attristé par sa douleur à elle et s'associerait à ses chagrins. Olivia Marchmont s'aperçut du changement survenu dans la figure de sa belle-fille et la regarda avec un étonnement courroucé. Mais après la première secousse de cette délicieuse surprise, l'éducation de Mary reprit le dessus. Elle joignit les mains qui tremblaient un peu, mais Olivia ne le vit pas et attendit patiemment, les yeux baissés et les joues couvertes d'une légère rougeur, que le sermon du recteur fût fini et que la congrégation se dispersa. Elle n'était pas impatiente. Il lui semblait qu'elle aurait pu attendre ainsi éternellement avec calme et contentement, en sachant que le seul ami qu'elle eut sur terre était auprès d'elle. Olivia ne se pressa pas de quitter son banc, mais elle finit par en ouvrir la porte. Elle franchit, suivie de Mary, le porche sombre et entra dans l'allée du cimetière où Edward Arundel attendait les deux dames. La veuve de John Marchmont ne poussa aucun cri de surprise quand elle aperçut son cousin à peu près à l'écart de la foule qui se dispersait lentement. Elle pâlit un peu et son cœur cessa de battre tout à coup comme s'il eût été changé en pierre, mais ce fut l'affaire d'un moment. Elle tendit la main à M. Arundel une minute après et lui souhaita la bienvenue dans le Lincolnshire. « Je ne vous savais pas en Angleterre, » dit-elle. « Mon arrivée n'est presque connue de personne, » répondit le jeune homme. « Je n'ai pas encore été à Dangerfield. Je suis venu tout droit à Marchmont Towers. » Il se détourna de sa cousine pour faire face à Mary, qui se tenait peu en arrière de sa belle-mère. « Chère Polly, » dit-il en s'emparant des deux mains de la jeune fille, « j'étais si chagrin pour vous quand j'ai appris. » Il s'arrêta, car il vit les yeux de l'orpheline se mouiller de larmes. Ce n'était pas son allusion à la mort de son père qui lui avait fait de la peine. Il l'avait appelée Polly. Il s'était servi de ce nom familier d'autrefois, que personne n'avait plus prononcé depuis le jour où les lèvres de John l'avaient murmuré pour la dernière fois. La voiture attendait à la porte du cimetière, et Edward Arundel revint à Marchmont Towers avec les deux dames. Il était arrivé un quart d'heure après leur départ pour l'office, et il était venu à pied à Camberling. « Il me tardait tant de vous voir, Polly, » dit-il, après une si longue absence, « que je n'ai pas eu la patience d'attendre que vous fassiez le retour de l'église avec Livy. » Olivia tressaillit en entendant le jeune homme parler ainsi. C'était donc Mary Marchmont qu'il était venu voir et non pas elle. Ne serait-elle jamais rien pour lui, elle, Olivia? L'insulterait-il toujours par son indifférence humiliante? Une vive rougeur se répandit sur sa figure, pendant qu'elle relevait la tête d'un air d'impératrice offensée et jetait à son cousin un regard de colère. Hélas, il ne vit pas même son regard d'indignation. Il était penché vers Marie et lui disait à voix basse combien la nouvelle de la mort de son père l'avait affligée. Olivia Marchmont fixa sur sa belle-fille ses yeux scrutateurs. Serait-il jamais possible qu'Edward Arundel en vint à aimer cette jeune fille? Cela pourrait-il se faire? À cette pensée, un abîme hideux d'horreur et de confusion s'ouvrit devant elle. Dans tout le passé, dans tout ce qu'elle s'était imaginé, parmi toutes les calamités qu'elle avait prévues, rien de pareil n'avait jamais figuré. Un tel amour existerait-il un jour? En arriverait-elle à exécrer cette jeune fille que lui avait confiée son défunt mari, et à ressentir pour elle la plus terrible haine dont une femme puisse être animée contre une autre? L'instant d'après, elle fut colère contre elle-même, pour avoir eu une pensée aussi folle, aussi absurde. Elle n'avait pas encore l'habitude de regarder Mary comme une femme. Elle n'avait jusqu'à ce jour vu en elle que la pâle enfant qui venait chaque jour lui réciter des leçons difficiles et se tenait debout devant elle dans l'attitude de la soumission et de l'obéissance. Était-il probable, était-il possible que cette jeune fille au teint pâle deviendrait sa rivale et lutterait contre elle? Était-il probable qu'elle trouverait une ennemie dans l'orpheline confiée à ses soins et qu'elle serait vaincue par elle? Elle examina la figure de sa belle-fille avec des yeux jaloux et d'une fixité dévorante. Était-elle belle? Non. Les traits étaient délicats. Les yeux bruns avaient la douceur du regard de la colombe. Ils étaient presque attrayants, maintenant qu'ils étaient animés et regardaient timidement Edward Arundel. Mais la figure de la jeune fille était maladive et sans couleur. La splendeur de la beauté lui manquait. Ce n'était qu'après qu'on l'avait regardée longtemps qu'on trouvait cette figure-là jolie. Les 5 années d'absence d'Edward Arundel ne l'avaient pas beaucoup changé. Il était un peu plus gros peut-être, sa moustache s'était épaissie et son allure était plus cavalière que par le passé. Un coup de sabre dont il portait la cicatrice au-dessus de la tempe lui donnait une certaine dignité martiale. Il ressemblait à un homme du monde maintenant et Mary avait un peu peur de lui. Il était si différent des squires de Lincolnshire ou des timides cadets qui se destinaient à l'église. Il était si beau, si élégant, si splendide. Depuis les boucles ondulées de sa chevelure jusqu'à la pointe de sa botte vernie, que laissait voir son pantalon bien coupé, on ne portait pas de jambière en 1847, et c'était le genre de cacher la botte presque en entier. C'était une merveilleuse créature, presque digne d'adoration, se disait Mary. Elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la coupe de son habit, la gracieuse nonchalance de ses manières, les pointes retroussées de sa moustache, les breloques suspendues à sa chaîne de montre et son mouchoir de batiste parfumé. Elle était assez enfant pour admirer tous ces attributs extérieurs de son héros. L'inviterai-je à Marchmont Towers, se disait Olivia. Et pendant qu'elle délibérait à ce sujet, Mary Marchmont s'écria. « Vous resterez au Towers, n'est-ce pas, Monsieur Arundel, comme si papa était encore vivant ?»« Certainement, Miss Marchmont, répondit le jeune homme. J'ai l'intention d'abuser de votre hospitalité aussi librement qu'autrefois dans Oakley Street, où vous me donnâtes des petits pains chauds pour mon déjeuner. » Mary rit tout haut pour la première fois peut-être depuis la mort de son père. Olivia se mordit les lèvres. Et elle comptait donc pour bien peu, songeait-elle, puisqu'on ne la consultait pas même. Sa figure s'assombrit. Elle commençait déjà à haïr cette orpheline qui semblait se transformer sous le charme de la présence d'Edward Arundel. Mais elle ne fit aucune tentative pour empêcher Edward de séjourner aux Towers, bien qu'un modèle eût suffi pour le tenir à l'écart. La torpeur du désespoir s'empara d'elle, et son esprit fut paralysé par une sombre appréhension. Elle sentit qu'un gouffre d'horreur était là, béant à ses pieds. Tout ce qu'elle avait souffert n'était rien, en comparaison de ce qu'elle aurait à souffrir. Elle laissa le champ libre au malheur. Que pouvait-elle faire pour éloigner d'elle cette torture? Puisqu'elle devait la subir de manière ou d'autre, autant valait la voir fondre sur elle maintenant que plus tard. Elle faisait ses réflexions pendant qu'assise dans un coin de la voiture, elle observait en face d'elle Mary et Edward qui tournaient le dos aux chevaux et causaient à voix si basse qu'elle entendait à peine ce qu'ils disaient. Elle songea tout le long du trajet entre Kemberling et Marchmont Towers, et quand la voiture s'arrêta en face du portique Tudor, sa physionomie était sombre. Elle avait pris son parti. Edward Arundel pouvait rester, le malheur pouvait la frapper. Elle avait combattu, elle avait essayé de faire son devoir, elle s'était efforcée d'être bonne. Mais sa destinée, plus forte qu'elle, avait ramené ce jeune soldat et l'avait sauvé de tous les dangers sur terre et sur mer, pour qu'il fût l'instrument de sa destruction. Je crois qu'en cette crise de sa vie, la dernière lueur de sa foi chrétienne s'éteignit en elle et la plongea dans les ténèbres et la désolation. Les vieilles marques de séparation déjà à moitié effacées dans le désert de sa vie disparurent sous les sables mouvants et il resta seul, seul avec son désespoir. Son âme jalouse prophétisa le malheur qu'elle redoutait. Cet homme, dont l'indifférence pour elle était presque une insulte, deviendrait amoureux de Mary Marchmont, de Mary Marchmont dont les yeux brillaient d'une beauté nouvelle quand il la regardait, dont la figure pâle rougissait faiblement quand il lui parlait. L'admiration visible de la jeune fille flatterait la vanité du jeune homme et il l'aimerait par pure frivolité et par faiblesse de caractère. « Il est faible et vain, idiot et frivole, » se disait Olivia, « et si je me jetais à ses pieds pour lui dire que je l'aime, il serait flatté et reconnaissant, et il ne demanderait pas mieux que de m'aimer. Si je pouvais lui dire ce que lui dit cette jeune fille dans chaque regard, dans chaque parole, il serait aussi ravi de moi qu'il est ravi d'elle. » À cette idée, la lèvre se plissa en signe de mépris indicible. Elle se trouvait si méprisable d'endurer les humiliations que lui inspirait son amour, que l'objet de sa folle passion lui semblait méprisable aussi. Elle mettait constamment dans les deux plateaux d'une balance Edward Arundel et les tortures que lui avait fait éprouver son amour pour lui, et c'était toujours le plateau d'Edward Arundel qui était le plus léger. Il aurait fallu qu'il fût un demi-dieu pour l'emporter sur tant de souffrances, et c'est pour ce motif qu'elle était injuste envers son cousin. Elle ne pouvait le prendre pour ce qu'il était réellement, un honnête jeune homme au cœur bon et candide. Pas un grand homme, ni un prodige, un brave et franc soldat, tout à fait digne de l'amour d'une noble femme. Monsieur Arundel séjourna aux Towers où il occupa la chambre qui avait été la sienne du temps de la vie de John Marchmont, et une nouvelle existence commença pour Mary. Le jeune homme était charmé par la fille de son ancien ami. Parmi toutes les belles de Calcutta avec lesquelles il avait dansé au bal du gouverneur et auxquelles il avait fait la cour sur le turf indien, il ne se souvenait d'aucune qui fût aussi attrayante que cette jeune fille, aussi enfant aujourd'hui qu'elle était femme, qu'elle avait été femme alors qu'elle était enfant. Sa naïve tendresse pour lui l'enchantait et le ravissait. Qui n'aura pas été charmé par cette pure et innocente affection que la jeune fille de 18 ans donnait aussi librement qu'à l'époque où elle était enfant et dans laquelle rien n'avait été changé par les années. Le jeune officier avait été tant admiré et choyé à Calcutta que, par suite de ses succès, peut-être, il était revenu en Angleterre, le cœur complètement libre, et il s'abandonnait sans arrière-pensée au bonheur calme qu'il goûtait dans la société de Mary Marchmont. Je ne dis pas qu'il fût enivré de sa beauté qui n'avait rien d'enivrant, ou qu'il fût follement amoureux d'elle. La douce influence de sa compagne le gagnait avant qu'il s'en aperçût. Il n'avait jamais pris la peine d'examiner l'état de ses sentiments. Son cœur était libre, libre comme le sont les papillons, de se poser sur les fleurs les plus belles. Et il n'avait nullement besoin de se soumettre à un rigoureux examen de conscience. Jusqu'à présent, il croyait que le plaisir que lui procurait la société de Mary était de la même nature que celui qu'il avait éprouvé 5 ans auparavant, quand il avait appris les échecs et promis de longues promenades sur le bord de la mer. Il n'errait plus maintenant dans les sentiers solitaires ou sous les en fleurs des champs de blé vert. Olivia les surveillait à tout moment. Les tortures auxquelles une femme jalouse peut se condamner ne sont pas beaucoup plus grandes que celles qu'elle peut infliger aux autres. Mrs. Marchmont eut soin que sa pupille et son cousin ne fussent pas trop heureux. Partout où ils allaient, elle allait aussi. Chaque fois qu'il parlait, elle écoutait. Toutes les parties qui leur plaisaient, elle les contrecarrait. Edward n'était pas assez fat pour soupçonner le vrai motif de la conduite de sa cousine. Il se contentait de sourire et de hausser les épaules, et il attribuait le zèle d'Olivia au sentiment exagéré de sa responsabilité et la nécessité de la surveillance. « Me prend-elle pour un lâche et un misérable ?» se disait-il. A-t-elle peur que je ne corrompe son innocente pupille, qu'elle redoute de me laisser seule avec elle? Comme ces bonnes femmes nous connaissent peu, en somme. Quels soupçons vulgaires, quelles craintes mesquines dirigent leur conduite envers nous. Il ne doit guère exister entre elles d'honneur et d'honnêteté, pour qu'elles en arrivent à douter ainsi de nous. Ainsi, d'heure en heure, de jour en jour, Olivia Marchmont épia Edward et Mary. C'est chose étrange que l'amour a pu naître dans des conditions semblables. C'est chose étrange que le regard de ces deux yeux gris et durs n'ait pas glacé les deux cœurs innocents et gêné leur libre expansion. Mais il n'en fut pas ainsi. L'égoïsme de l'amour fut tout-puissant. Ni Edward ni Mary n'avaient conscience de la malignité du regard qui pesait sur eux. L'univers s'était rétréci pour eux et la terre n'existait pas, en dehors du coin sur lequel ils se trouvaient côte à côte. Edward Arundel était depuis plus d'un mois à Marchmont Towers, lorsque par une chaude soirée de juillet, Olivia se rendit à Swampington pour faire une courte visite au recteur, une visite commandée par le devoir. Elle aurait sans doute emmené Mary Marchmont avec elle, mais la jeune fille avait souffert de la migraine toute la journée et gardait la chambre. Edward Arundel était parti le matin de bonne heure, pour une excursion de pêche, vers un fameux ruisseau à 7 ou 8 milles des Towers, et ne reviendrait probablement qu'après la tombée de la nuit. Il n'y avait donc pas de danger que Mary et le jeune officier pussent se rencontrer et songer Olivia. Il n'y avait pas de danger qu'ils échangeassent des confidences qu'elle ne pourrait entendre. Edward Arundel aimait-il la pâle jeune fille qui lui révélait son amour avec tant d'abandon enfantin? Olivia Marchmont n'avait pu résoudre cette question. Elle avait sondé plusieurs fois le jeune homme sur ses sentiments à l'égard de sa belle-fille, mais il avait répondu franchement à ses insinuations en lui déclarant que Mary était pour lui encore aussi enfant qu'elle avait été 9 ans plus tôt dans Oakley Street et que le plaisir qu'il trouvait dans sa société ressemblait à celui qu'il aurait éprouvé dans celle d'une enfant innocente et confiante. « Sa simplicité est enchanteresse, Lévi, dit-il. Elle me regarde bien en face, elle me confie tous ses petits secrets et me raconte ses rêves sur son père mort et ses innocentes fantaisies, avec autant de sans-gêne que si j'étais une de ses camarades d'école du même âge qu'elle. C'est si agréable pour moi de l'écouter en la comparant aux beautés artificielles des bals de Calcutta, avec leur fascination stéréotypée et leur manuel complet de coquetterie, qui sont éternellement les mêmes. Elle est si jolie, si mignonne, cette enfant avec ses 12 yeux bruns, et sa voix caressante qui me rappelle toujours le roucoulement des colombes dans la basse-cour. » Je crois qu'Olivia, dans son affreux désespoir, fut quelque peu soulagée d'entendre de semblables aveux. Cette franche manière de s'expliquer sur son estime pour Mary Marchmont était-elle une preuve d'amour? Non, ce n'était pas ainsi que la veuve comprenait la terrible passion. L'amour pour elle était quelque chose de sombre et de terrible, qui devait être caché, comme les fous cachent parfois leur folie, jusqu'au moment où le secret fatal échappait involontairement et se manifestait par quelque action désastreuse. Olivia Marchmont dîna donc toute seule de bonne heure et partit des Towers à 4 heures par une chaude après-dîner d'été, plus calme peut-être qu'elle ne l'avait jamais été depuis le retour d'Edward. Elle fit sa visite obligatoire à son père, resta auprès de lui pendant quelque temps, causa avec les 2 vieux serviteurs qui le soignaient, fit 3 ou 4 fois le tour du jardin négligé, puis elle reprit le chemin des Towers. Le premier objet sur lequel tombèrent ses yeux en rentrant dans le vestibule fut l'attirail de pêche étalé en désordre sur un banc en chêne auprès de la grande porte en forme d'arche qui donnait accès dans le quadrangle. Le rouge de la colère lui monta à la figure pendant qu'elle se retournait vers le domestique à côté d'elle. « Monsieur Arundel est revenu, » dit-elle. « Oui, madame, depuis une demi-heure, mais il repartit presque aussitôt avec Miss Marchmont. »« Ah, je croyais que Miss Marchmont était dans sa chambre. »« Non, madame. » « Elle est descendue au salon environ 1 heure après votre départ. Sa migraine était passée, a-t-elle dit. »« Et elle est sortie avec M. Arundel. Savez-vous de quel côté ils sont allés ?»« Oui, madame. J'ai entendu M. Arundel dire qu'il voulait visiter le vieux chalet sur le bord de la rivière. »« Ils ont pris cette direction ?»« Je pense que oui, madame. Bien, je vais les rejoindre. »« Miss Marchmont ne doit pas s'exposer à l'air du soir. La rosée tombe déjà. » La porte d'entrée du quadrangle était ouverte et Olivia en franchit le seuil d'un air hautain que rendait vraiment majestueux son long vêtement noir. Elle n'avait pas quitté le deuil de son mari. Quel motif aurait pu la pousser à renoncer à cette sombre toilette? Quel besoin avait-elle de se parer de couleurs gaies? Quels yeux amoureux auraient été charmés par sa splendeur? Elle franchit la porte, traversa le quadrangle, passa sous une arche en pierre et pénétra dans le bois rabougri qui était sombre même en été. Le soleil couchant dorait la façade occidentale des Towers, mais dans le bois, tout semblait froid et désolé. le brouillard s'élevait de la terre fumante au pied des arbres. Les grenouilles coassaient sur le bord de la rivière. Olivia Marchmont, serrant ses petites dents blanches et respirant par saccades, courut vers le chalet en se frayant un chemin à travers les arbres, déchirant sa robe noire au buisson et se préoccupant fort peu de l'endroit où elle passait pourvu qu'elle arrivât le plus vite possible à l'endroit qu'elle devait atteindre. La rivière noirâtre et le vieux chalet lui apparurent enfin à travers les troncs tordus et les branches noueuses des chênes étêtés et des saules. Le bâtiment était délabré, car les réparations commencées par Edward Arundel il y a 5 ans n'avaient pas été achevées, mais il se tenait debout quand même et ne tombait pas positivement en ruine. Tout à fait sur le bord de l'eau était une espèce de grande grotte pour abriter les bateaux, et au-dessus de cette grotte se dressait un pavillon en briques et en pierre qui contenait 2 chambres d'une dimension convenable avec des fenêtres à jalousie ayant vue sur la rivière. Un escalier en pierre avec une balustrade en fer menait à la porte de ce pavillon, qui était supporté par les solides murs de face de l'édifice intérieur. Au milieu du silence de la soirée, Olivia entendit les voix de ceux qu'elle venait chercher. Ils étaient debout au bord de l'eau sur un étroit sentier pratiqué au milieu des joncs et éloigné de quelques pas seulement du pavillon. La porte de la masure était ouverte. Une vieille barque hors de service pourrissait sur le sol humide et couvert de mousse. Olivia se glissa dans l'intérieur. La porte qui faisait face à la rivière s'était détachée de ses charnières rouillées et gisait à moitié détruite sur le seuil de la masure. Abritée par le portail en pierre qu'avait jadis fermé cette porte, Olivia écouta les voix du bord de l'eau. Mary Marchmont était tout près du bord. Edward, debout à côté d'elle, s'appuyait contre le tronc d'un saule. « Ma chère enfant, » murmura le jeune homme, comme s'il répondait à quelque chose qu'avait dit sa compagne. « Vous croyez donc que c'est parce que vous êtes simple et innocente, je ne dois pas vous aimer ?»« C'est votre innocence que j'aime, chère Polly. Laissez-moi vous appeler Polly comme il y a 5 ans. Et je ne voudrais pas pour tout au monde que vous fissiez autrement. Savez-vous que je regrette parfois d'être revenu à Marchmont Towers ?»« Vous regrettez d'être revenu ?» s'écria Mary d'un ton d'alarme. « Oh, pourquoi parlez-vous ainsi, monsieur Arundel ?» « Parce que vous êtes héritière de 11 000 livres de rente, Mary. De la Moat Lodge derrière nous, de ce bois, de cette rivière. La rivière vous appartient, je pense, Miss Marchmont. Et je vous fais mes compliments sur la possession de cette eau vaseuse et de vos nombreux 1000 carrés de terrain plat et marécageux. Et qu'est-ce que cela peut vous faire ?» demanda Mary avec étonnement. « Ce que cela peut me faire. Mais savez-vous, Polly, que si je vous demande de m'épouser, on dira que je suis un coureur de fortune et que je suis venu à Marchmont Towers avec l'intention de vous voler votre cœur innocent avant que vous sachiez le prix du domaine qui doit accompagner le don de votre main. Dieu sait qu'on m'accuserait à tort, Polly, et que ce serait là une cruelle calomnie, car tant que j'aurai de l'argent pour mon tailleur et mon marchand de tabac, j'en ai plus qu'il ne leur en faut à tous deux. Je ne tiendrai nullement aux richesses d'ici-bas. Que ferais-je de vos plaines et de vos marais, Miss Marchmont, avec toute cette horrible complication de bois renouvelé, d'imposition à payer, qu'est le partage des gens riches. Si vous étiez pauvre, Polly, je... » Il s'arrêta et partit d'un éclat de rire en touchant du pied les herbes qui se dressaient devant lui et poussant les cailloux dans l'eau. La femme, cachée dans l'ombre du portail, écoutait, la pâleur sur les joues et les yeux flamboyants. Elle écoutait comme si on lui lut sa sentence de mort, en ne perdant pas une syllabe, tant était vif le désir qui la dévorait d'apprendre ce qui causait son angoisse. « Si j'étais pauvre, » murmura Marie, « qu'arriverait-il si j'étais pauvre ? Je vous dirai avec quelle tendresse je vous aime, Polly, et je vous demanderai d'être ma femme plus tard. » La jeune fille le regarda en silence pendant quelques instants, timidement d'abord, et puis avec plus d'audace. Ses yeux brillaient et leur éclat ajoutait à leur beauté. « Je vous aime tendrement moi aussi, monsieur Arundel, » dit-elle enfin, « et j'aimerais mieux que ce fût vous qui eussiez ma fortune que tout autre. Du reste, quelque chose dont le testament de papa m'a fait croire qu'il souhaitait notre mariage, Polly, » s'écria le jeune homme, attirant vers lui la frêle jeune fille. « Monsieur Paulette m'a envoyé une copie du testament, Polly, en même temps que mon anneau en diamant, et je vois qu'il s'y trouve quelques mots exprimant un pareil souhait. Votre père disait qu'il me laissait un legs, ma chère, j'ai toujours sa lettre, le legs de sa fille sans appui. Dieu sait que je tâcherai de me rendre digne de sa confiance, Marie. Dieu sait que je serai fidèle à la promesse que je fis il y a 9 ans. » La jeune femme qui écoutait sous l'arche tomba à genoux sur le sol, parmi le bois pourri, les clous et les charnières rouillées. Elle y resta longtemps, ne perdant pas connaissance, mais immobile, la figure tournée vers le portail recouvert de mousse et regardant avec fixité à travers les ténèbres. Elle resta là, à écouter pendant que les deux amants parlaient à voix basse du triste passé et de l'avenir inconnu, et entrevoyaient le beau pays qu'ils devaient parcourir en se donnant la main pendant de longues années de bonheur tranquille. Elle ne bougea pas, jusqu'à ce que les premiers rayons de la lune vinssent argenter l'eau de la rivière et que les pas des deux amants eussent cessé de résonner sur l'étroit sentier par lequel ils rentrèrent aux Towers. Ce ne fut qu'une heure après leur départ qu'Olivia Marchmont se remit avec peine sur ses jambes roidies et regagna lentement la maison. Elle fut tout droit chez elle, ferma à clé la porte de sa chambre et se laissa tomber sur le parquet au milieu de l'obscurité. Mary vint lui demander pourquoi elle ne paraissait pas au salon, et Mrs. Marchmont répondit d'une voix rauque qu'elle était malade et qu'elle voulait être seule. Ni Mary, ni la vieille servante qui avait nourri Olivia et qui avait quelque influence sur elle, ne purent obtenir d'autre réponse que celle-là.